Nouvelle en français, volume 1, Voix de l'Amérique, chapitre 2. L'acteur Philip Seymour Hoffman décédé, apparemment d'une overdose, 3 février 2014. L'acteur et réalisateur américain Philip Seymour Hoffman a été retrouvé mort dimanche dans son appartement de New York à l'âge de 46 ans. Selon les médias, il pourrait s'agir d'une overdose d'héroïne. La police new-yorkaise précise s'être rendue au domicile de l'acteur dans le quartier de Greenwich Village, à Manhattan, suite à un appel téléphonique d'un de ses amis. L'agence Associated Press et le New York Times affirment que les enquêteurs ont trouvé une seringue dans le bras d'Hoffman et une enveloppe contenant ce qui semblerait être de l'héroïne. Ces informations restent à confirmer officiellement. Monsieur Hoffman avait évoqué au cours des ans son passé de toxicomane. Il avait tenu le coup 23 ans, avant de reconnaître dans des entretiens l'année dernière qu'il avait rechuté et se droguait à l'héroïne, ce qui lui avait valu un séjour dans un centre de réadaptation originaire de l'État de New York. Monsieur Hoffman avait remporté un Oscar et un Golden Globe du meilleur acteur pour son rôle dans le film Capote en 2005, dans lequel il incarnait l'auteur Truman Capote. Il avait également reçu 3 autres nominations aux Oscars dans la catégorie meilleur second role, notamment pour Charlie Wilson's War en 2008. Il avait également reçu des nominations aux Tony Awards pour des rôles à Broadway depuis 15 ans. Hoffman vivait en couple avec la costumière Mimi O'Donnell, avec qui il avait eu 3 enfants. Des soldats tchadiens tués en Centrafrique, 24 février 2014, en Centrafrique. La tension est vive à Bangui. Les violences ont fait dimanche plus d'une dizaine de morts, dont 3 militaires tchadiens. Les accrochages ont opposé dimanche des soldats tchadiens de la Miska aux anti-balaka dans le quartier combattant non loin de l'aéroport. 3 soldats tchadiens ont été tués puis en représailles ce lundi matin. Les soldats tchadiens auraient abattu 4 personnes dont un militaire centrafricain. Le bilan exact n'est pas établi par la Croix-Rouge locale, mais les combats ont fait plusieurs victimes parmi les civils selon Richard Mbariana, habitant du quartier combattant. Plusieurs familles ont dû fuir leur maison pour se réfugier dans les quartiers voisins ou à l'aéroport, sécurisé par les soldats français de l'opération Sangaris. Signalons aussi que le calme est revenu à la prison centrale de Ngaragba dans le 7e arrondissement de Bangui. Dimanche, les soldats de la Miska ont fait des tirs de sommation autour de la maison d'arrêt pour empêcher une mutinerie des détenus. Les analystes, satisfaits que le G20 se soit fixé des objectifs communs et chiffrés. 25 février 2014, les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 ont achevé leur sommet ce week-end en Australie sur une note positive. Rappelons que le G20 regroupe 2/3 de la population mondiale et représente 85% de la production mondiale. L'Australie, hôte de la rencontre, a invité le G20 à s'accorder sur un taux de croissance chiffré. Le trésorier australien, Joe Hockey, est d'avis que le taux de croissance des pays du G20 pourrait augmenter d'au moins 2% par-delà les estimations au cours des 5 ans à venir, ce qui pourrait créer des dizaines de millions d'emplois à travers le monde. À noter que dans son communiqué final, le G20 a été plus prudent, promettant seulement l'adoption de politiques ambitieuses mais réalistes néanmoins. Ce qui compte, ont dit les analystes, c'est que les pays G20 se soient donné des objectifs communs et chiffrés. De son côté, le secrétaire américain au Trésor, Jack Lew, s'est félicité de l'esprit de coopération qui a caractérisé le sommet. Pour Tim Harcourt, économiste à l'université du New South Wales, le G20 de Sydney a eu un impact positif C'est important en raison des renseignements tangibles et tacites qu'ils ont échangés, et des notes qu'ils se sont passées, a dit M. Harcourt. J'ai vu Christine Lagarde, la patronne du Fonds monétaire international, vous le savez, elle est rarement en Australie. Et donc j'ai pensé que c'est une bonne occasion pour eux d'échanger comme ils font toujours, mais aussi de le faire en Asie, dans une région du monde en pleine croissance, comparé aux endroits où ils se réunissent normalement, a poursuivi l'économiste. Parmi les autres sujets abordés à Sydney, l'enclenchement par la Réserve fédérale américaine du processus de normalisation de sa politique monétaire, ce qui provoque une fuite massive des capitaux des pays émergents vers les États-Unis. Les investisseurs s'attendant à une hausse des taux d'intérêt américains, l'Afrique du Sud, tout comme l'Indonésie et le Brésil, ont interpellé les États-Unis à ce sujet. Et même l'Australie a fait valoir aux responsables américains l'importance de la transparence et de la bonne communication dans ce domaine. Par ailleurs, le G20 s'est penché sur les moyens de favoriser l'emploi. Les dirigeants sont tombés d'accord pour se retrouver à une date ultérieure cette année à Brisbane. Toujours en Australie, Arivatire Niamey, toujours pas d'accord sur l'uranium, 25 février 2014, au Niger. Poursuite des négociations sur une nouvelle convention de 10 ans pour l'exploitation de l'uranium, entre le consortium Areva et le gouvernement. La précédente convention est venue à expiration le 31 décembre 2013. Oxfam a interpellé à nouveau Areva et le gouvernement français. Concernant l'exploitation de l'uranium au Niger, l'ONG a déposé une pétition signée par 15 000 personnes, qui exige du groupe Areva qu'il cesse ses pressions sur le Niger, car il est clair, selon Anne-Sophie Saint-Père, chargée de plaidoyer à Oxfam, que le pays ne tire pas de l'uranium les revenus qu'il devrait. Une étude de l'Initiative pour la transparence des industries extractives a chiffré la valeur du minerai d'uranium extrait par Areva en 2010 à plus de 4,8 milliards de dollars. Le dernier contrat d'Areva avec le Niger remonte à 2001. Il reposait en grande partie sur une loi minière adoptée en 1994, très avantageuse pour le consortium. Elle exempte les entreprises produisant l'uranium non seulement des droits à l'exportation, mais aussi de tous les droits de douane et taxes sur la valeur ajoutée portant sur les matériaux et équipements miniers. Aujourd'hui, la redevance minière, en plus des impôts et taxes, se chiffre à 5,5% de la valeur des ressources extraites, un chiffre qui devrait passer à 12%, estime le docteur Ibrahim Aedara, responsable du programme gouvernance économique à l'Open Society Initiative for West Africa, OSIWA. Ali Idrissa, dirigeant du réseau d'ONG, publiez ce que vous payez et le ROTAB, qui milite en faveur de la transparence et bonne gouvernance dans la gestion du secteur minier, insiste également sur le fait qu'Areva doit verser au Niger ce que le pays mérite de percevoir. Si Areva reste muet sur les négociations en cours, le journal Le Monde rappelait récemment que les prix de l'uranium se maintiennent à des niveaux très bas. De surcroît, Areva pourrait faire valoir que ses investissements dans les mines d'uranium nigériennes, dont la mine géante d'Imouraren, sont onéreux. Néanmoins, toujours selon Le Monde, l'Association nucléaire mondiale, WNA, qui regroupe les industriels de la filière nucléaire, estime que la demande devrait grimper de 48% à l'horizon 2025. Crise dans le monde des bitcoins. 25 février 2014, rien ne va plus dans le monde de la monnaie virtuelle, Bitcoin, mardi. Le site internet de la plateforme japonaise d'échange de Bitcoin, Moongox, basé à Tokyo, a purement et simplement disparu, déjà, depuis le 7 février. Moongox avait suspendu les transactions sur cette plateforme. Ces turbulences affectent les autres plateformes du Bitcoin, notamment celle de Bitstamp à Londres, sur laquelle la monnaie virtuelle a chuté de 15% mardi, tombant à $455. Le Bitcoin s'échangeait à plus de $1200 début décembre 2013 sur certaines plateformes. L'engouement pour les drones croît à travers le monde. 25 février 2014. L'engouement pour les drones ces aérodynes télécommandés et sans pilote ne cesse de croître à travers le monde. Ils sont de plus en plus utilisés à des fins commerciales dans certaines parties du monde, notamment aux États-Unis, quand ils font la une. C'est surtout quand ils sont mis au service des forces armées ou de sécurité. Mais ces petits engins volants ont évidemment plusieurs cordes à leur arc. Pas mal de pays y ont désormais recours pour des activités commerciales au Royaume-Uni. Des drones servent les clients dans un restaurant réputé pour son sushi en Afrique du Sud. Hormis l'aide au combat contre le braconnage, ils contribuent aux recherches dans le domaine de la faune sauvage dont les éléphants et les girafes. Ils observent les baleines dans l'océan Pacifique, en Indonésie et en Chine. Ils vont bientôt transporter de l'or et facilitent également le tournage de films en Allemagne. Chris Kippenberger crée des publicités pour des voitures haut de gamme, le producteur est ravi. Vous pouvez maintenant sauvegarder l'essentiel des images filmées. Gardez les différentes manœuvres des drones et tournez une vidéo du haut d'un bâtiment et allez tous, droit vers le sol. Grâce aux drones, explique-t-il, mais il y a bien entendu le revers de la médaille en Égypte. Deux Canadiens étaient derrière les barreaux pendant plus de 2 mois pour avoir tourné des images à l'aide d'un drone. En Turquie, les forces de l'ordre ont descendu un drone qui filmait des manifestants. En revanche, vif succès au Japon, des drones surveillent la centrale nucléaire de Fukushima et contribuent énormément à l'épandage d'engrais. Et New Arcangeli, qui travaille pour le groupe Yamaha, confie. Notre drone Air Max compte plus d'1,8 million d'heures de vol sur ces 20 dernières années. Et à notre connaissance, il n'y a pas eu une seule plainte en matière de vie privée. Monsieur Arcangeli et d'autres experts ont pris part à une récente audience du comité du Sénat américain sur les usages et réglementations de drones aux États-Unis. Mary Cummings, de l'Université Duke, a déploré que les États-Unis perdent du terrain dans ce domaine. À mon avis, les États-Unis ne sont pas le leader du marché des drones, le pays est à la traîne, a-t-elle dit. C'est parce que le vol des drones est très restreint aux États-Unis, généralement confiné à la recherche pour des observateurs. Cela relève de l'épineuse question de sécurité, ces technologies renchérissent-ils, sont nouvelles et il n'y a pas encore de preuves tant en termes de viabilité que fiabilité. Surtout quand il s'agit de partager le ciel avec d'autres objets volants. Quant aux défenseurs du droit à la vie privée, ils veulent de nouvelles lois pour protéger les libertés civiles. La Federal Aviation Administration planche en ce moment sur la réglementation dans 5 ans. D'après le régulateur, 7500 drones pourraient sillonner l'espace aérien américain.